Voilà. Here we are. Je crois que je vais prendre quand même 30 secondes pour lire quelque chose. We're going to take 30 seconds to read something. C'est un mail que j'ai reçu. It's a mail I've received. D'une sœur. From a sister. Et ça se lit comme suit. And it says. C'est en anglais. It reads as follows. I've been watching the conference every day. J'ai suivi la conférence tous les jours. I'm so jealous not to be with all of the brothers and sisters. Je suis tellement jalouse de ne pas être avec les frères et sœurs. But I'm so grateful for the media. Mais je suis tellement reconnaissante pour le média. And I can't wait for tomorrow to et hear what the Lord has to say. Demain pour entendre ce que le Seigneur a à dire. When my mom died, quand ma mère est morte, and all the money was over, et on n'avait plus d'argent, I remember I used to go to church. Je me souviens, j'allais à l'église. And hear about having faith. Et j'entendais parler d'avoir de la foi. To have money, things, and to be rich. Pour avoir de l'argent, des choses et pour être riche. And I believed in it. Et j'ai vraiment cru dans cela. I did everything with faith. J'ai tout fait avec la foi, entre guillemets. But this faith had nothing to do with the Lord, actually. En fait, cette foi que j'avais n'avait rien à voir avec le Seigneur. In the youth conferences, dans les conférences des jeunes, preachers used to do big offerings. Les prédicateurs faisaient des grandes offrandes. They used to say, ils avaient l'habitude de dire, the more we give, the more we will be blessed. Le plus qu'on donnait et le plus on allait recevoir et être béni. But in material things. Mais dans les choses matérielles. Because if we are Christians, we have to be rich. Parce que si nous sommes des chrétiens, nous devons être riches. One of my friends gave all his belongings. Un de mes amis a donné tout ce qu'il possédait. Shoes, clothes, TV, radio. Ses vêtements, sa télévision, sa radio. I gave my watches and my jewelry. J'ai donné mes montres et mes bijoux. At the end, there was a big mountain with money. À la fin, il y avait une grande montagne avec l'argent. Sur l'estrade. On the stage. And crazy things, a mountain. Et plusieurs choses incroyables, une montagne. Fouf. I can't believe the Lord took me out of there. Je ne peux pas croire que le Seigneur m'a délivré de là. I'm sincerely grateful. Je suis tellement reconnaissante. And my desire is that all these people hear the gospel, the sound doctrine. Et mon désir, c'est que tous les gens entendent l'évangile et la saine doctrine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to the Lord. Donc ce soir, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés hier soir. On va continuer. We will carry on from where we stopped yesterday. Et juste une petite récapitulation. We're going to quickly pour tous ceux qui n'étaient pas là hier. For all those of you who were not here yesterday. Nous avons parlé comment le message de la prospérité. We spoke about the message of prosperity. Pille le peuple de Dieu. Strips the people of God. Et combien de chrétiens sont blessés? Excuse-moi, ça gêne mon frère, s'il te plaît. Cette lumière-là est très gênante. Désolé, merci. Sorry, Rudy. Et comment les chrétiens sont blessés, malheureux? How Christians are hurt, unhappy? À travers de toutes sortes de pratiques. Through all kinds of practices. Et ce soir. And tonight. Je voudrais montrer par la parole de Dieu la tromperie de ce message. The deceitfulness of that message. La première chose qui est importante, the first thing that matters, c'est qu'il faut emmener les chrétiens à comprendre les enseignements de Jésus. We need to bring Christians to understand the teachings of Jesus. Avoir une révélation. To have a revelation de l'enseignement des apôtres, des premiers apôtres, of the first apostles, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, the New Covenant, et les paroles mêmes de Jésus, les enseignements de Jésus. And the very teachings of Jesus, il nous faut saisir le cœur du Seigneur. We need to catch and get hold of the heart of Jesus. La parole de Dieu n'est pas une lettre noire sur blanc. The word of God is not a letter black written on white. Il faut que le chrétien puisse saisir le cœur de Jésus. The Christians must come to a place where they can get hold of the heart of Jesus. Son plan pour les chrétiens. His plan for the Christians. Son plan pour l'église. His plan for the church. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? What he wants for us. On a besoin de saisir de ce que j'appelle l'esprit de l'évangile. We need to catch what I call the spirit of the gospel. En d'autres mots, le vrai contenu de l'évangile. In other words, what the gospel really contains. Pas simplement lire noir sur blanc. Not only the letter. Mais ressentir ce qu'il y a derrière. But to be able to feel what there is behind those letters. Le cœur de Jésus. The heart of Jesus. Son plan. His plan. Sa volonté pour moi et pour vous. His will for me and for you. Je crois que les chrétiens ont besoin d'une bonne révélation. I think the Christians need a great revelation. Le voile a besoin de disparaître. The veil must disappear. Nous avons besoin de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. We need to see the gospel, the glorious gospel of Jesus shine. Et ne pas se limiter and not to limit ourselves à les interprétations humaines. To human interpretations. Mais je répète, ressentir le cœur de again, Jésus. To feel the heart of Jesus. Quelle était sa motivation? What was his motivation? De parler, de dire ce qu'il a dit. To say what he said. C'est dangereux. It's dangerous. De lire la parole de Dieu à la lettre. To read the word of God by the letter. La lettre tue. The letter kills. L'esprit donne la vie. It's the spirit that gives life. Il y a un cœur derrière tout ça. There's a heart behind all that's written. Et c'est ça que nous avons besoin de découvrir. And this is what we need to discover. Le cœur de Jésus. The heart of Jesus. Et quand le peuple de Dieu ressent le cœur du Seigneur. And when the people of God feels the heart of Jesus. Il est prêt à tout faire. He's ready à cause de son amour pour lui. To do anything out of his love for the Lord. Quand il n'y a pas de cœur. But when there's no heart. Quand il n'y a pas de cœur. When there's no heart. C'est la loi. Then it's all by law. C'est le légalisme. It's legalism. C'est la lettre. It's the letter. Ça perd tout. It loses de sa valeur. It loses all its value. En d'autres mots, tout ce qui est précieux. In other words, everything that's precious. La richesse de l'évangile. The richness of the gospel. La révélation de l'évangile. The revelation of the gospel. Nous allons la perdre. We're going to lose it. Nous allons la perdre. We're going to lose it. Mais ma prière, c'est que nous puissions bénéficier. My prayer is that we will be able to benefit de l'évangile de Jésus-Christ. From the gospel of Jesus Christ. La révélation de Christ. The revelation of Christ. Premier texte que je voudrais lire avec the vous. The first scripture I'd like to read with you. C'est dans l'évangile de Matthieu. Is in the gospel of Matthew. Chapitre 19, chapter 19, versets 23 et 24. Verse 23 and 24. On parle de la tromperie. We're speaking of deceitfulness. Du message de la prospérité. Of the message of prosperity. Vous êtes là? Are you there, guys? D'accord. Jésus dit à ses disciples. Then Jesus said to his disciples. Je vous le dis en vérité. Assuredly I say to you. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Je vous le dis encore. And I say again unto you. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Si nous lisons le texte, if we read that scripture, et que nous pouvons ressentir le cœur de Jésus, and we can feel the heart of Jesus, Jésus donne un avertissement. He's giving a warning. Il parle du danger d'être riche. He's speaking about the danger of being rich. Est-ce que cela veut dire que c'est un péché d'être riche? Does that mean it's a sin to be rich? Non. No. Mais vous savez, quand la richesse prend votre cœur, you know, when riches gets hold of your heart, c'est facilement pour nous de nous détourner du Seigneur. It's easy for us to turn away from the Lord. Et de dépendre sur la richesse. Hmm? Et de dépendre and depend sur la richesse. On our material goods. Dangereux. It's dangerous. C'est ça l'avertissement de Jésus. This is the warning of Jesus. Il n'est pas contre la richesse. He's not against being rich. Mais il sait que c'est dangereux d'être riche. He knows it can be dangerous to be rich. C'est tellement facile que son cœur se détourne. It's so easy for one's heart to turn away. C'est pas un malheur d'être riche. It's not a curse or de la même manière, ce n'est pas un malheur d'être pauvre. To be rich, the same way, it's not something bad to be poor. Mais par contre, yet, l'Église, the church, l'esprit dans lequel l'Église parle de l'argent, the spirit in which the church speaks of money, pousse les chrétiens à devenir riches. Drives Christians to want to become rich. Il pousse les chrétiens à devenir riches. En d'autres mots, contre l'avertissement de Jésus. It drives the Christians to wanting to become rich against the very warning of Jesus. Contre le danger qu'il y a against the danger that de vouloir devenir riche. To want to possess and become rich. Et surtout pour soi-même. And most of all, to become rich for our own de se faire de grandes visions benefit, avec la richesse que nous pouvons posséder. To start having great visions with the riches, with money we can own. Jésus and sait ce qu'il dit. The Lord knows what he's saying. Il sait. He knows. Il y a certains versets de la parole de Dieu. There are some verses in the Word of God. Que l'Église a l'habitude d'utiliser. That the church has the habit of using. Pour faire croire que nous sommes tous appelés à devenir riches. To make the Christians believe that we are all called to become rich. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'il faut pouvoir ressentir l'esprit de l'Évangile. Et le cœur de Jésus. This is why I started by saying we need to be able to feel the spirit of the gospel and the heart of Jesus. Dans l'évangile de Luc, in the gospel au chapitre of Luke, 6, le verset 38, que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur. Chapter 6, verse 38, that most Christians know by heart. Mais si vous lisez à partir du verset 27 jusqu'au verset 42, 43 environ, but if you read from verse 27 to verse 42, 43, vous allez voir que Jésus veut transmettre un message. You see that the Lord wants to transmit a message. C'est un message qu'il veut transmettre. It's a message that he wants to transmit. Et c'est dangereux de juste prendre un verset comme ça au milieu. It's so dangerous. De tout le contexte. Just to take a verse out of context. Et ne pas ressentir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, and not nous transmettre. To feel what the Lord wants to transmit to us. Et à partir du verset, je crois que ça devrait être dans les 27 environ. And as from verse, I think 27. Je crois. Hein. I'm not sure. I'm going to check. Jésus parle d'une attitude envers nos ennemis, une attitude envers nos persécuteurs. The Lord is speaking of our attitude towards our enemies, up towards those who persecute us. Comment nous avons besoin de les aimer? How we need to love them. Comment nous avons besoin de les pardonner? How we need to forgive them. Même s'ils nous persécutent, même s'ils nous écrasent, même s'ils nous accusent faussement. Even though they persecute us, they crush us, or they accuse us falsely. Juste au milieu de tout ça. In the midst of it all. Donnez et il vous sera donné. Give and it shall be given unto you. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, au verset 38. Verse 38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. Jésus parle de la manière dont nous devons traiter les gens. Vous avez dit qu'on devait? Jésus parle de la manière dont nous devons traiter les gens. The Lord is speaking of the way we should treat people. De l'attitude que nous devons avoir envers les gens. Of the attitude we should have towards people. C'est tout le texte. That is all the context of what he's saying. Et puis il vient dire donner. And then he's saying give. Donner quoi, l'argent? Is he talking about money? Qui a dit ça? Where does it say it's about money? Pourquoi l'argent? Why money? Pourquoi quand on parle de donner l'argent? Why the minute we speak of giving, we think money. Tout le contexte parle d'une attitude que Dieu veut que nous puissions avoir envers les gens. That whole part of Scripture speaks of the attitude God wants us to have towards people. L'attitude de la vraie chrétienté. The attitude of true Christianity. Vous allez me dire, mais c'est simple d'interpréter ça comme ça. You will tell me, oh, it's so easy for you to interpret it like this. C'est simple. It's very simple. Pourquoi est-ce que vous retirez l'argent de dedans et vous simplement mettez l'attitude de pouvoir donner sa vie? Why do you want to take money out of it and you want to include the attitude of giving one's life? C'est le don de sa vie finalement. It's the gift of one's life. Dans l'attitude que Dieu est en train de vouloir nous demander d'agir envers les gens. That the Lord is asking for us to have towards people. Pourquoi mettre de l'argent là-dedans? Why put money in there? Ce n'est certainement pas une promesse de prospérité. It's definitely not a promise of prosperity. Le texte que nous avons lu n'est certainement pas une promesse de prospérité. That scripture that we read is definitely not a promise for prosperity. Mais c'est un encouragement que le Seigneur parle à ses disciples. It's an encouragement that the Lord talks to his disciples. D'un nouveau style de vie. Of a new lifestyle. D'une nouvelle attitude de cœur qui est complètement différente que celle du monde. Of a new attitude of heart that's completely different from that of the world. Mais puisque ce message et cette doctrine de la prospérité est venu dans l'église, but because that message and that doctrine of prosperity came into the church, on n'a même plus le souci ni le désir de ressentir le cœur du Seigneur. There's no more concern or desire to feel the heart of Jesus. Mais on saisit l'occasion. But we grab this opportunity. Pour avoir un autre verset biblique. To get one extra scripture. Pour appuyer notre doctrine. To support our doctrine. Mais je vais vous dire ce soir que Jésus n'a jamais été intéressé dans l'argent. But let me tell you tonight that Jesus has never been interested in money. Jamais. Never. Vous savez, ça fait quelques années, you know, it's been some years now, que les plats, la date exacte, I can't remember the exact date. Ma femme et moi et l'église, nous avons été drôlement persécutés. Myself and the church, we've been really going through hard, under very strong persecution. C'était sur les journaux. It was on the newspaper. 5, 6, 7, 8 semaines de suite, première page, deuxième, troisième, quatrième. 6, 7, 8 consecutive weeks, first, second, third, fourth page. On avait un choix. We had a choice. Ou de garder notre cœur pur et d'aimer ses persécuteurs et prier pour eux et les bénir. Either to keep our hearts pure, to love these persecutors, to pray for them and bless them. Ou de nous permettre d'avoir un cœur aigri, amer et dur envers ces gens qui nous accusaient faussement. Or to have a heart that was full of bitterness, that was hard towards those people that were accusing us falsely. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. I bless the Lord for his grace. Qui nous a permis de garder un cœur pur. Which allowed us to keep a pure heart in those times. Le résultat. The result. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Is what you're seeing today. C'est ça le résultat. C'est ça la vie chrétienne. That is Christian life. C'est ça le cœur de Jésus. That is the heart of Jesus. C'est ça l'esprit de l'évangile. That is the spirit of the gospel. Nous n'aurions jamais été là ce soir. We would never have been here tonight. S'il n'y avait pas des choses que l'Église, les anciens et moi, nous avons traversées. If we the elders, as a church, we didn't go through. Et avons préféré donner notre vie. We have chosen to give our lives. Donne. Give. Et il vous sera donné. And it shall be given to you. Donne. Give. Et il vous sera donné. It shall be given to you. Secoué, enfin. Good measure, shaken together, running over. Déborde. Pressed down. Moi, je dis, ce que je vois là, déborde. What I'm seeing here for me, it's running over. C'est ça, le dégât de la tromperie, de la doctrine, de la prospérité. That is the destruction from the false doctrine of prosperity. Il y a un autre verset. There's another verse. Très connu. Very well known. 2 Corinthiens. 2 Corinthians. Chapitre 9. Chapter 9. Connaissez? You know that verse. Le verset 6 nous dit, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verse 6 says, but I say unto you, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. C'est un verset préféré. Bountifully. That is a very favorite verse. Le verset préféré. One of the favorite La mauvaise ones. Conception de la semence et de la moisson. Bad conception of sowing and reaping, of seeds and reaping, and harvest. Tous les versets qui parlent de cela sont détournés. All verses that speak about seed and harvest are turned or twisted. Le principe naturel est vrai. The natural principle is true. Mais dans l'esprit, but in the spirit, on a besoin d'avoir un cœur. We need to have a heart. On a besoin d'un cœur. We need a heart. Et si mon cœur est dans l'église, if my heart is in the church, pour soutenir le royaume de Dieu, to support the kingdom of God, pas les hommes, le royaume de Dieu, not to support men, but to support the kingdom of God. Si mon cœur est dans l'église, if my heart is in the church, et que je donne au Seigneur, as I'm giving to the Lord, de tout mon cœur, with all my heart, sans appliquer le principe, without applying a principle, Dieu saura me donner en retour, God will know how to give me back, parce que mon cœur, because my heart, est dans le royaume de Dieu, is in the kingdom of God. Autrement, otherwise, ne touche pas à ce principe. Don't touch that principle. Parce qu'il va marcher seulement dans le naturel. Because it will only work in the natural. Il ne marchera pas dans l'esprit. It will not work in the spirit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens comme cette fille que nous avons lue qui a tout semé. This is why today we've got people like that girl who gave everything. Ses bagues, ses bijoux, ses colliers. Rings. Et elle s'est appauvrie. And she got poorer. Mais le principe ne marche plus. Therefore, the principle doesn't work. Marche plus le principe. Doesn't work that principle. Le principe, c'est un principe naturel. It's in the natural. Mais il devient spirituel. But it becomes spiritual. Dépendant de l'attitude de notre cœur. Depending on the attitude of our heart. Et tant que mon cœur veut soutenir le royaume de Dieu. And as long as my heart wants to support the kingdom of God. Et que Dieu voit mon cœur. And God sees my heart. Que je suis prêt à lui donner. That I'm ready to give him. Et si je lui donne beaucoup de ce que j'ai. And if I give much of what I have, c'est normal qu'il va en retour me donner beaucoup pour qu'ensuite je continue à semer dans le royaume de Dieu. It's normal that he will give me back a lot because I will be able to carry on sowing in the kingdom of God. Mais ça n'a rien à voir avec moi personnellement. But it has nothing to do with me personally. Oh, allô. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. It has nothing to do with me personally. Paul n'est pas en train de tromper le peuple de Dieu. Paul is not deceiving God's people. Pour leur dire, ben donne, et puis tu auras. He's not telling them give, and you will get for you. Non. No. C'est faux. It's false. C'est trompeur. It's deceitful. C'est un enseignement erroné. It's a false teaching. Qui n'a rien à voir avec le cœur de Jésus. Which has nothing to do with the heart of Jesus. C'est pourquoi si tu donnes selon ce principe, sans que ton cœur soit engagé pleinement à soutenir le royaume de Dieu, tu perds ton temps. This is why if you give according to that principle, without your heart being totally committed to support the kingdom of God, you are losing your time. Si tu sèmes de tout ton cœur, sans vouloir t'enrichir. If you sowing with all your heart without having the desire to get richer, tu sèmeras dans le royaume de Dieu en abondance, et Dieu t'emmènera une moisson abondante parce qu'il sait où tu vas semer encore. You will sow in abundance and God will bring an abundant harvest because God knows where you will be sowing again. En d'autres mots, il n'y a rien pour moi là-dedans. It's not about me. Moi, je prends que, comment on dit ça, les quoi? Les miettes. I take only the miettes. I only take the crumbs. Ça, c'est l'évangile. That is the gospel. Le reste est un mensonge. The rest is a lie. Est une tromperie. Is a deceit. Et c'est comme ça que les millions de chrétiens ont été dépouillés. And this is how millions of Christians have been stripped. Tu sais ce que c'est que la moisson? You know what is the harvest? La moisson, c'est seulement ce que Dieu veut te donner. Harvest is only what God wants to give you. C'est pas ce que toi tu veux. It's not what you want. La moisson, c'est ce que Dieu veut te donner. The harvest is what God wants to give you. C'est pas ce que toi tu veux. It's not what you want. Dis ça à ton voisin. Tell that to your neighbor. La moisson, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut te donner. Is not what you want, is what God wants to give you. On règle un peu le compteur. Let's turn the wheel. On remet en ordre nos compteurs. Let's put back our ideas into order. Si tu ne sèmes pas de tout ton cœur, tu sèmes en vain. If you don't sow with all ça, your c'est le royaume heart, de Dieu. You are sowing in vain because that is the kingdom Par of contre, God. Par contre, dans le naturel, si tu prends une graine de giromont et tu la plantes, tu auras des giromonts. Mais dans le royaume de l'esprit, c'est pas pareil. In the natural, if you take a pumpkin seed and you sow it, you will get pumpkins. C'est pourquoi But in the spirit, it's not the same. N'utilise pas le principe de la semence et de la moisson dans le naturel pour ta marche spirituelle. Therefore, don't use the principle of sowing and harvesting in the natural when it comes to your spiritual walk. Amen ou non? C'est pourquoi il faut le voir le cœur qui a derrière. This is why we must see the heart that is behind. Cet enseignement de la semence et de la moisson n'a un seul but. The teaching of sowing Écoute and reaping bien. Has got only one purpose. Listen carefully. C'est pas pour toi. It's not for you. C'est pour le royaume de Dieu. It's for the kingdom of God. T'as compris ou non? Did you understand or not? Donc, où est ce message de la prospérité? Therefore, on va l'enterrer. Where is that message of prosperity? We're going to bury it. De Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 4. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. On ne peut pas prendre tous les versets et penser que c'est un moyen pour nous enrichir. We can't take all the verses and think that it's a way for us to become rich. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile. It is not the spirit of the gospel. 2 Corinthiens chapitre 8, on connaît très bien. We all know that verse. Nous tous, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Leur joie débordante, leur pauvreté profonde, ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in that great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Je vais vous demander une seule question. Let me ask you one question. Est-ce que l'action de vouloir encore donner au milieu de leur pauvreté. Does the action of wanting to give still in the midst of their poverty était motivée pour s'enrichir? Was motivated to get more and to become rich. Si vous croyez ça, if you believe that, allez lire votre Bible tout seul sur la montagne pendant une semaine. Go and read your Bible on the mountain for one week. Au moins. At least a week. Je vois par contre On the contrary, I can see des chrétiens pauvres, Christians who were poor. Ça le problème aujourd'hui. On croit que c'est une honte d'être pauvre. It's not a shame to be poor. On croit que c'est une honte d'être pauvre dans le royaume de Dieu. We don't have to be ashamed if we are poor in the kingdom of God. Je sais que ça tourne vite là. I know it's turning fast. Mais pourtant, And ces yet, Macédoniens, these Macedonians, ils aimaient Jésus they loved Jesus with all their au hearts. Milieu des afflictions, And in the midst of afflictions, ils étaient joyeux. Of trials, they were au full milieu of joy. De la pauvreté profonde, And in the midst of the deep poverty, ils étaient prêts quand même à soutenir l'œuvre de Dieu. They were still ready to support the work of God. Est-ce qu'il y avait une idée derrière la tête, si tu sèmes, tu vas recevoir? Do you think they were thinking, wow, c'était une motivation qui venait de leur cœur parce qu'ils aimaient le royaume de Dieu. Do you think that they had an idea behind their back, if I sow, I'm going to reap? No, it was a motivation that they had to support the kingdom of God. Au fait, ils, comprenez-moi bien, ils étaient pauvres. In other words, they were poor. Understand me? Mais dans cette situation-là, ils étaient prêts. Entier. Ils étaient prêts de s'appauvrir encore. Even though they were poor, they were ready to get poorer. Ben oui, parce que dans leur pauvreté, ils étaient prêts à donner encore. Because even though they were poor, they were ready to give even more. Donc finalement, ils étaient prêts de s'appauvrir encore. In other words, they were ready to get poorer. Ils étaient bêtes et stupides, des imbéciles, des hommes de la chair, c'est ça? Yeah, so you think they were stupid, they were men of the flesh, hein? C'était un coup de, comment on dit ça? Un coup, une réaction rapide. Spontanée. Hein? Spontanée? C'était un coup de tête, hein? It was like a coup de tête, like a... a what? Impulse. Impulsive reaction. In non, French, non, clear, non, coup non, de tête. Non, no, it wasn't that. Ils ont supplié l'apôtre Paul, laisse-nous avoir part à cette offrande. They begged Apostle Paul, let us have a share in that offering. Nous sommes prêts. We are ready. À s'appauvrir davantage. To have even less. Parce que notre cœur est dans le royaume de Dieu. Because our heart is in the kingdom of God. Je vous parle de l'église primitive. I'm talking of the early church. Je vous parle de l'église du Nouveau Testament. I'm talking of the church of the New Covenant. Je parle pas de l'église du 21e siècle. I'm not talking of the church of the 21st century. Elle est tellement loin de la réalité de la vie chrétienne. She's so far from the reality of Christian life. 3 Jean 1, 8. 3 John 1. 8, verse 8. Je souhaite, mon frère Gaius, I desire, my brother Gaius, que tu prospères à tous égards, that you would prosper in all things as your soul prospers. Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, Gaius a reçu cette lettre. Gaius received that letter. Je vous demande d'arrêter un instant. Just stop one minute, please. Comment est-ce que Gaius a interprété cette lettre? How did Gaius interpret that letter? One, two, trois, three, quatre, four, cinq. Five. Vous avez la réponse? Do you have the answer? Il s'est dit, wow. He must have said to himself, wow. Merci, Jean. Thank you, John. Ton souhait, your wish, est formidable. Is wonderful. Je vais prospérer. I'm going to prosper. Wow, that's good. C'est comme ça que vous croyez que Gaius a interprété cette lettre? You think that's the way that Gaius interpreted that letter? Vous savez qui était Gaius? You know who was Gaius? Gaius était un serviteur de Dieu. He was a servant of God. Peut-être pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, quoi. Maybe he was an apostle, a prophet, or whatever. Il aimait le royaume de Dieu. But he loved the kingdom of God. Et vous savez ce que Gaius faisait, si vous allez lire, j'ai pas le temps de lire, mais allez lire. You go and read it. You know what he was doing? I don't have the time to read it, but you go and read it for yourself. Gaius ouvrait sa maison pour tous ceux qui passaient par là. Gaius used to open his home for all those who went through, who came past. Et c'était un homme très hospitalier. He was a man of hospitality. Ce qu'il avait, what he had, il partageait avec tous ceux qui passaient dans la ville. He shared with everybody who went through the town. Il ouvrait sa maison. He opened his house. Il les logeait. He housed them. Quel serait le souhait du Seigneur ou d'un serviteur de Dieu pour quelqu'un comme ça? What would the Lord or the servant of God desire for such a man? Qu'il arrête de faire ce qu'il fait? That he would stop doing what he does? Et qu'il n'ait plus l'opportunité de faire ce qu'il fait? And that he's not no longer able to do what he's doing? Ben non. Of course not. C'était ça la motivation de Jean. That was the motivation of Je John. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. I pray that you would, I desire that you would prosper in all things as your soul prospers. C'était normal pour Dieu, pour le Seigneur, pour Jean. D'encourager Gaius. It's normal for God, for John to encourage Gaius. De continuer à ouvrir sa maison, loger des gens, nourrir des gens et les serviteurs qui passaient par la ville. To carry on opening his house, to take care and feed people who went through the town. Pourquoi chercher dans ce verset un moyen pour s'enrichir? Why look into that verse a means to get richer? Nous sommes hantés par la prospérité? Are we haunted by prosperity? Ça devient comme de la sorcellerie, ce truc-là. It becomes like witchcraft, that thing. Pourquoi chercher dedans une motivation? Why look et ça t'apparaît de se verser et de dire, waouh, je vais prospérer parce que Jean parle de la part de Dieu que je prospère. Why use that verse to proclaim that we're going to get rich because God, John said to Gaius, he should prosper. Pourquoi? Pourquoi penser comme ça? Why think that way? Vous savez, Paul dit à Timothée, il lui fait le même avertissement que Jésus a fait. And he gives him the same warning as Jesus did. Dans Timothée chapitre 6. In Timothy, même avertissement que Jésus a dit à ses disciples. In même chose. 1 Timothy chapter 6. Bon, on ne va pas tout lire, mais bon. Verset 9. We read only verse 9. Non, allons lire à partir du verset 6 plutôt. C'est en effet une grande source de gain que la piété, écoutez bien, que la piété avec le contentement. We read us from verse 6. It is a great source of gain, godliness with contentment. On ne peut pas se servir de l'évangile pour une source de gain. We can't use the gospel as a means to gain. Mais par contre, la piété est une source de gain. Yet, holiness is a source of gain. Dans le contentement. And being happy, godliness with contentment. En autre mot, être content de ce qu'on a. We must be content of what we have. Et ne pas avoir à courir vers des richesses. And not to run after riches. Et il dit, and he says, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. For we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. And having food and clothing, with these we shall be content. Vous vous souvenez de l'enseignement de Jésus concernant la nourriture, le vêtement? You remember the teaching of Jesus concerning Qu'est-ce qu'il a dit? Food, il dit la même clothing. Chose que Paul. He said the same thing as Paul. Ne t'inquiète de rien. Don't worry about anything. Ton vêtement, ce que tu vas porter, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ne t'inquiète pas, je prends soin de ces choses. What you're going to wear, what you're going to eat, what you're going to drink, don't worry about it. I'll take care of that. Mais cherche plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données en plus. But rather seek the kingdom of God and all these things shall be added unto it. Aujourd'hui, on renverse tout. Today, so we're upside down. Renversé. It's overthrown. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais c'est clair comme l'eau de source. It's so clear, it says here that those who desire to be rich, they fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. It cannot be clear. Than that. On dirait que ceux qui prêchent la doctrine de la prospérité pour tous, as if those who preach the doctrine of prosperity, ne veulent pas lire la Bible comme il faut. They don't want to see this in the Bible. J'ai l'impression quand ils arrivent dessus, ils tournent la page. I feel like when they get on that verse, they turn the page. Ils tournent la page. They must turn the page. Vous savez quoi? You know what? Quand on se contente de ce qu'on a, when we are content with what Dieu we have, nous donne davantage. God adds and gives us more. Mais quand on cherche la richesse, but when we seek to become rich. Jacques dit, James says, vous demandez mal, c'est pourquoi vous ne recevez pas. You are asking, you're not asking well, that's why you're not receiving. Vous demandez mal. Ça ne veut pas dire qu'on demande la mauvaise manière, les mauvaises paroles, mais l'intention de notre cœur n'est pas bonne. James is saying that the intention of your heart when you are asking is not what it should be. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, contentons-nous de gagner notre vie. Let's be content to earn our living. Et il s'occupera de nous. And he will take care of us. Utilisons ce qu'il nous donne selon sa volonté. Let's use what he's giving us according to his will. Ça, c'est l'esprit de l'évangile. That is the spirit of the gospel. Le reste est une tromperie. Anything else is deceit. Ne mettez jamais votre espérance dans les richesses de ce monde. Never put your hope and place your hope in the riches of this world. Quelquefois, on ne réalise pas, mais même les chrétiens de Jérusalem étaient pauvres. Sometimes we don't realize, but even Christians of Jerusalem were poor. Il y a qui sont pauvres, il y a qui sont riches, il y a qui vivent normalement. Some are poor, some are rich, some are okay. Et ceux qui sont pauvres ne doivent pas se plaindre. And those who are poor, they mustn't complain. Dieu sait. God knows. Ce que lui il veut. What he wants. Et ce que j'ai besoin. And what I need. Et ce que nous avons besoin. And what we need. C'est pas à nous de décider. It's not for us to decide. Quelle sera notre moisson. What should be our harvest. Oui, d'accord? Do we agree? Si un chrétien if a Christian ne peut pas servir le Seigneur quand il est pauvre, cannot serve the Lord because he's poor, ce n'est certainement pas quand il sera riche qu'il le servira. He will definitely not serve the Lord when he will become rich. S'il ne peut pas servir le Seigneur de tout son cœur et donner sa vie pour le Seigneur quand il est pauvre, ce n'est pas quand il sera riche qu'il va le faire. If he can't serve the Lord with all his heart and give his whole life to the Lord because he's poor, he's not going to do it when he's going to be rich. Alors, ne sortez pas d'ici en disant que Mickey a dit que tout le monde a besoin d'être pauvre. Don't you dare come out of here saying. Je connais comment ça se passe moi. Mickey Hardy said we all need to be poor. I know it happens. How it's. Je connais comment ça se passe. I know exactly what happens. Je juste vous mets en garde. I'm just warning you. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Don't go and say what I didn't say. Si nous avons un plan pour posséder quelque chose, if you've got a plan to possess something, Dieu peut changer ce plan. God can change that plan. Vous le croyez? Do you believe? Si j'ai un plan pour avoir quelque chose, if I've got a plan to possess something, est-ce que Dieu peut changer ce plan? Can God change est-ce qu'il that a plan? Le droit de changer ce plan? Does he have the right to change that plan? Et me donner ce qu'il veut? And to give me what he wants? Il y a des chrétiens qui ont ce qu'ils ne veulent pas avoir. Some Christians have what they don't want. Et si on est dans le bon esprit de l'évangile, on rend grâce à Dieu. And if we are in the good spirit of the gospel, we give thanks to the Lord. Si on n'a pas la révélation du cœur de Jésus, on va ronfler, on if va. If we don't have the revelation of the heart of Jesus, we're going to complain. Faire tout pour essayer de sortir de là. We are going to do everything we can to get out of this situation. Ah, que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Believe me. Il n'y a aucun lien. There's no connection. Entre les instructions de Jésus et l'argent. Between the instructions of Jesus and money. Il n'y a aucun lien. There is no link. Entre la doctrine de Christ et l'argent. Between the doctrine of Christ and money. Dieu serait injuste. God would be unjust. Aucun. No link whatsoever. C'est pourquoi la doctrine de la prospérité est une hérésie. This is why the doctrine of prosperity is an heresy. Il faut la tuer. Must kill it. Il faut l'enterrer. And we must bury it. Il y a un frère qui est venu me voir tout à l'heure, il m'a dit, moi je porte le cercueil. There's a brother who came to see me earlier and says, I'm going to carry the coffin. Qui c'est qui fouille? Who is going to dig? Hein? C'est vrai ou non? True or not? Oh, que le Seigneur nous bénisse. May the Lord help Vous savez, il y a une autre doctrine qui est absolument directement liée à la prospérité. There's another doctrine that's directly linked to that of prosperity. C'est la fausse doctrine de la foi. It's a false doctrine of faith. Il y a la bonne doctrine de la foi aussi, hein? There's a good doctrine of faith. Be careful. Mais le jour, le moment But the minute que la doctrine de la prospérité a pris naissance, when the doctrine of prosperity was born, la doctrine de la foi a pris une autre direction. Doctrine of faith changed direction. Le moment. The minute. C'est pas drôle ce que Paul a dit. It's not strange what Paul said. Que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. That the love of money is a source, a root of all evil. Le moment que vous mettez l'argent dans la chrétienté, ça vient tout démolir. The minute you put money in Christianity, it destroys everything. Et le moment que la prospérité est rentrée dans l'église. And the minute that doctrine of prosperity came into la doctrine the church, de la foi a changé. The doctrine of faith changed. A changé de direction. Changed direction. Was diverted. La doctrine de la foi s'est tournée vers l'homme. Moi. The doctrine of faith turned itself to man. Ce que j'ai. What about me? Ce what que I je have. Veux. What I want. Non. Yeah? Et toutes les promesses qu'il y a pour me donner ce que je veux. And all the promises I can find in the Bible so that I can get what I want. Oui. Yeah? La doctrine de la foi a changé. The doctrine of faith Le message changed. De la foi n'est plus pareil comme c'était au temps du mouvement pentecôtiste des années 75. The doctrine of faith is no more what it used to do, be in the time according to the Bible. In the days of the Pentecostal movement. Hein? C'est extraordinaire comment tout peut changer quand on met l'argent là-dedans. It's incredible how everything can change the minute money comes into it. Alors finalement, on utilise la doctrine de la foi. Finally, we use faith pour confirmer la doctrine de la prospérité. To confirm the doctrine of prosperity. C'est ça que l'Église a fait. This is what the church did. On a pris la doctrine de la foi pour appuyer la doctrine de la prospérité. To support the doctrine of prosperity. C'est ça que l'Église a fait. A fait. Yes, a what, fait. What the church did. Imposer. Impose. Confirmer. Confirm. La doctrine de la prospérité. The doctrine of prosperity. En d'autres mots, ce n'est plus la foi que j'ai dans mon cœur. No, in other words, it's no longer faith that is in my heart. Pour ma vie. For my life. Mais c'est une foi pour moi. But it's faith pour céder davantage. To possess more. Je laisse ma vie de côté. My Quand je life, parle de ma vie, je parle de mon être. When I ce speak qu'il y a à l'intérieur de moi. When I speak of my life, I speak of my inner man, of my ce inner que Dieu being, veut faire dans ma vie. What God wants to do in my life. Je prends ça, je mets dans un tiroir. I take it, I put it in a drawer. Et j'utilise ma foi maintenant. And I use my faith now. Pour moi. For me. Moi physiquement, moi matériellement, me, moi dans tous les me, domaines de ce que mes yeux peuvent voir et mes mains toucher. And me in everything I can see and I can touch. Je réclame. I claim. Ma foi veut réclamer. My faith wants to claim. C'est plus demander, mais c'est réclamer. It's no longer asking now, it's claiming. Quand je réclame, je donne un ordre à Dieu. When I'm claiming, I'm like giving an order to God. Comme si qu'il va m'écouter. As if he's going to listen to me. Je réclame. I claim. Et ça, mes frères et sœurs, l'état de l'Église aujourd'hui nous démontre. The state of the church shows that today. Le produit de la doctrine de la prospérité est rien d'autre. Ça a commencé comme ça. The product and the fruit of the doctrine of prosperity is nothing else. This is how it started. L'Église a commencé son déclin. the decline en ouvrant la porte of the church à la doctrine de la prospérité. By opening the door to the doctrine of prosperity. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui ou non? Romans 10, verse 17 says faith comes by hearing and hearing comes from the word of God. C'est comme la confession positive. It's like positive confession. Plus je dis quelque chose, plus j'aurai. More I say it, the more I'm going to have it. La philosophie humaine. Human philosophy. La sagesse de l'homme. Wisdom of man. L'habilité. The ability. L'habilité. The ability. De mémoriser des écritures. Of being able to memorize scripture. Voilà comment la foi est arrivée. This is how faith has come today. Il y a même jusqu'à la foi de la quatrième dimension. There's now faith for the fourth dimension. Vous avez déjà entendu dire ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas entendu. Mon genre n'a pas dû entendre. Many haven't heard. My son-in-law hasn't heard about that. But vous savez ce que c'est la doctrine have. De la quatrième dimension? You know what is the doctrine of the fourth dimension? Oh, j'ai pas de salle. Je n'ai pas de salle à manger. I don't have a living room. Mais je me dis, Seigneur, j'ai besoin d'une salle à manger. I said, Lord, I need a large living room. Et donc je ferme mes yeux. I close my eyes. Et là, je place ma table. And I can already set my table. Je place ma table, je table les chaises. I put the chairs. Et quand je rentre chez moi, je dis, chérie, attention, il y a la table. And when I get home, I say, darling, be careful, there's a table. Attention. Careful. But don't put your cup of tea on the table, though. La foi de la quatrième dimension. Faith in the fourth dimension. Puissant. Powerful. Qui c'est qui a inventé ça? Who has invented that? La foi intellectuelle. Intellectual faith. La philosophie humaine. Human philosophy. Ce n'est pas la foi qui vient d'une révélation que nous avons entendue de Dieu. It's not faith that comes from a revelation from God. C'est pas réel, c'est fictif. It's fake. C'est une foi imagée. It's an imaginary faith. Ce n'est plus une foi vivante en moi parce que j'ai entendu la voix de Dieu et j'ai reçu la révélation de l'Évangile. It's no longer a living faith in me because I heard the voice of God and I've received the revelation of the gospel. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes by hearing. Entendre de qui? Hearing from where and from whom? De moi-même. From myself. Hein? Ou la foi qui vient de Dieu en entendant la parole de Dieu, la voix de Dieu, la révélation de Dieu. Oh, it's faith coming from God when I hear the word of God, the voice of God, the revelation that comes from Him. Et ça, c'est dans mon cœur. And that is in our hearts. C'est pas dans mon intelligence. It's not in my mind. C'est pas le pouvoir de mémoriser. It's not the power and the ability to memorize. C'est vivant en moi parce que Dieu m'a dit. It's alive in me because God told me. D'accord? Oui. Et quand Dieu me parle, and God, when God speaks to me, il me dit, Mickey, he says, Mickey, il faut que tu fasses telle chose. You need to do something. Mickey, Mickey, je veux te donner ça. I want to give you that. C'est pas le pasteur qui m'a dit que tu peux demander ce que tu veux là. It's not the pastor told me you can ask what you want. Non. Uh-uh. Non. No. C'est pas lui qui m'a dit que demande ce que tu veux et tu auras. It's not the pastor who told me ask what you want and you will have. Moi je vous demande, est-ce que tu as entendu la voix du pasteur ou la voix de Dieu? I want to ask you, did you hear the voice of the pastor or you heard the voice of God? Mais comme Dieu me dit, tu vas avoir ça. But when God says, je vais te donner ça. I want to give that to you. J'ai la foi. Faith comes to my heart. Et qu'est-ce que je fais quand la foi est dans mon cœur? And what do I do when faith is in my heart? Je la confesse. I confess it. Quand Dieu m'a parlé, when God has spoken to je me, peux aller vers ma femme. I can go to my wife. Et lui dire à ma chérie. I said, my darling. Dieu m'a dit qu'on devait avoir ça. God told me we're going to have this. C'est normal. And it's normal. Parce que quand la foi vient, Because when faith comes, c'est alors que je parle. This is when I speak. Mais je ne parle pas pour voir la foi. But I don't speak to have faith. Hein? C'est comme ça qu'on devient des perroquets, this des chrétiens perroquets. We become parrot Christians. Toute la journée, on a une promesse. On confesse la parole de Dieu. All day we confess. Sert à quoi? Tu sais, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, donc j'entends ce que je suis en train de dire quand même. You know, the Bible says faith comes by hearing, but I'm hearing what I'm saying. You know? Donc j'entends ce que je dis au lieu d'entendre ce que Dieu dit. And I'm hearing what I'm saying and not what God is saying to me. Ah ben, quand je lis la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. But when I read the word of God, it's what God says. Oui, mais il y a un moment quand Dieu te parle dans sa parole, il te dit ça c'est pour toi. But there's a time when that word comes alive and God speaks to you and says that's your promise. Non? C'est drôle de foi que de réclamer ce qu'on veut. Very strange thing to claim what we want. Nous avons besoin de demander à Dieu we need to ask God de nous donner tout ce qui est selon sa volonté. To give us everything according to his will. C'est ça que 1 Jean 4 nous dit. This is what 1 John chapter 4 says. On lit ça rapidement. Let's on a loin à aller là, loin. We've got lots to go. Il faut l'enterrer une fois pour toutes. We need to bury it. Verset 14, chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. We have this confidence that we have in him is that if we ask anything according to his will, he hears us. Ah, mais Seigneur, moi je veux un avion. Oh Lord, I want a plane. Seigneur, je marche tous les jours, je veux une limousine. Oh Lord, I'm walking every day, I want a car. It's okay. Facile, hein? C'est cool quand même. It's cool. So cool. Un jour, nous allons rentrer ici, tout le monde avec une limousine. We will all get here one in a limo. Cool, hein? Cool. Et dans quelques années, en hélicoptère. And in a few years, we'll come in a helicopter. Nous avons besoin de la foi. We need faith. Pas pour ce qu'on veut. Not for what we want. Mais pour ce que lui, il veut pour but moi. For what God wants for us. C'est comme ça que la doctrine de la foi a été pervertie. This is how the doctrine of faith has been perverted. Pourquoi? Why? Parce qu'on l'a associé because aux choses matérielles. To material things. Qui n'est pas le but du tout which is de not la foi. At all the purpose of faith. Mais d'accord? C'est ça? Do you agree? C'est comme ça que ça marche. This is how it works. OK? Vous voyez comment c'est détourné? Have you seen how it's twisted? Détourne la foi. Twist faith. Et puis il y a cette doctrine de la foi qui nous enseigne que nous sommes des super gars. This doctrine of faith that teaches us that we are super guys. Ah, et nous sommes extraordinaires. Oui, we are extraordinary people. Que Jésus ayant tout accompli. Jesus having done all. Nous, ses enfants, on possède tout. We, his children, we possess everything. Le ciel et la terre sont à Dieu. The heaven and earth are for God. Et comme je suis son enfant. And as I'm his child. Tout est à moi. Everything belongs to me. Everything. Tout le monde. Tout. Everything. Tout est à nous tous. Everything is for all of us. Ah mon Dieu. Oh Lord. C'est un esprit très différent. It's a spirit that's very different. De l'esprit de Christ. From the spirit of Christ. Et l'esprit de l'évangile. And the spirit of the gospel. Que les apôtres vivaient. That the apostles lived. Que Jésus a enseigné. And that Jesus taught. C'est totalement le contraire des enseignements de Jésus. It's totally the contrary of the teachings of Jesus. Vous savez, il y a des gens qui disent que nous sommes des petits dieux. You know, some people say that we are small gods. Vous savez ça? You heard about that? Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah, yeah, yeah. It's true. Il y a des gens qui enseignent que nous sommes des petits dieux. Some people teach that we Christians are little gods. Nous sommes incroyables. We are incredible people. Incroyable. Wow. On n'a pas le droit d'avoir des problèmes parce que quand le problème vient, il faut qu'il disparaisse tout de suite. Là, c'est pas possible. It's impossible for us to have problems. I mean, the problem's coming, it must go. The same way it came, it must go. Pif, paf, boum. That's it. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont jamais goûté à des expériences qui sont riches. You know, some Christians have never tasted rich experiences. Parce qu'ils ont été enseignés que toute chose négative ne vient pas de Dieu, vient du diable. Because they were told that everything that is not good or what negative, but whatever, doesn't come from the Lord. Ils interprètent. Anything that doesn't suit them doesn't come from the Lord. Therefore, any problem comme une attaque du diable becomes an attack from the devil. Et qu'est-ce qu'ils font? And what do they do? Ouh, là, ils se mettent à chasser. Ah, they start casting. Là, là, là, ils tirent le pistolet. They take out their gun. Ouais. Là, ils se déclarent pleine puissance, là. And suddenly they become powerhouses. Et ils vivent ce combat perpétuel, là. And then they start into that perpetual fight. Quand ces soi-disant mauvais esprits qui les attaquent et qui viennent mettre devant eux un problème, une difficulté. When these soi-disant ils peuvent pas accepter une difficulté. La difficulté, c'est pas possible. As if these terrible spirits are coming there when putting that situation is out of question. They are not going to accept. Moi, je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Je suis un petit Dieu. Il n'est pas possible. God, I can't accept that. Ils veulent rapidement sortir de ce problème. They want to get out of that problem immediately. Ils n'ont aucune idée que Dieu est capable, à travers toutes ces situations-là, de le former. They have got no idea that God can use these situations to form them. C'est pas dans leur dictionnaire, c'est pas dans leur prédication, c'est pas dans leur révélation. It's not in their dictionary, it's not in their preaching, it's not in their revelation. Oui. Ils vivent en combat spirituel. They spend their life fighting demons. Toute leur vie. Their whole life. Ils trouvent des démons partout. They see demons everywhere. Sous le lit, dans l'armoire. Under the bed, in partout, the cupboard, mais partout. In the fridge, si je ne dors pas bien, il y a un problème. Il y a un esprit qui tourne, vit dans la chambre. If we don't sleep well, there's a spirit around somewhere doing something in the room. Pas capable d'accepter. Not being able to accept. Une situation difficile. A hardship. Une affliction. An affliction. Pas capable. Not able to. C'est tout le contraire de ce que les apôtres ont vécu. It's all the contrary to what the apostles lived. Ça se demandait où est le message d'une vie sacrifiée. We ask ourselves where is the message of a sacrificed life? D'une identification aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. The message of an identification to the sufferings and to the death of Christ. Où est cette identification? Where is that identification? Avec Jésus. With Jesus. Ça n'existe plus. Has it disappeared? Et pourtant, c'est le message de Jésus. And yet, it's the message of Jesus. Ça a été le message des premiers apôtres. It has been the message of the first apostles. La souffrance ne peut même pas être mentionnée en leur présence. Suffering cannot even be mentioned in their presence. Au fait, ils ne goûtent jamais à la grâce de Dieu. In fact, they never taste the grace of God. Parce que où le problème reste, because either the problem stays, oui, parce qu'ils croient que le problème ne doit pas rester, because maybe the problem mustn't stay, donc ils n'ont aucune compréhension de la grâce de Dieu pendant ces situations, therefore, pendant ce problème. They do not have any revelation of the grace of God during that time, therefore got to go through that problem. Donc où le problème reste, either the problem stays, qu'il va sûrement rester, that will surely stay, même s'il chasse le mauvais esprit. Even if it casts the wrong spirit. Donc finalement, ils ne goûtent jamais à la grâce de Dieu. Finally, they never taste the grace of God. Dans les moments où ils ont besoin, and yet in these times, d'une force divine, of a divine strength, d'une puissance, of a power, la puissance de la grâce de Dieu dans notre vie. Ils n'ont jamais goûté. They never tasted. Parce qu'un moment difficile ne peut pas exister. Because for them, in their understanding, a hard time cannot exist. Et ils ne soumettent jamais leur vie à ce genre de choses. And they will never allow their life to flow with that type of situation. Ils ne s'humilient jamais dans cette, devant ces difficultés et ces situations de la vie. They never humble themselves before these difficult times and situations of life. Ils sont toujours plus grands que ces situations. They are always greater than these situations. Toujours plus grand. Always greater. Jamais avec un cœur qui s'humilie. Never with a heart that humbles itself. Et qui se repose sur la grâce de Dieu pour nous faire traverser ces moments durs et difficiles de la vie. And that rests on the grace of God to cause them to go through these hard times of life. Leur cœur ne s'apprête pas à ça. Leur cœur ne s'identifie pas à cela. Their heart doesn't identify to that at all. Ils refusent. They refuse. Et ils croient qu'ils sont des supermen, des super invincibles. Guys, people that cannot be, they are invincible. Toujours prêts à chasser, always ready to bind, to paralyser, to paralyze. Ils ne veulent pas entendre une parole négative, ça n'existe pas pour eux, ils n'ont pas le droit. They don't want to hear any negative situations, no, out of question, it doesn't exist. Ils sont malades, mais ils sont bien. They are sick, but they are well. Comment tu vas? How are you? Je suis bien. I'm fine. Il ne veut pas accepter qu'il est malade. He doesn't want to accept that he's sick. Oui. C'est un problème? Is that a problem to be sick? Est-ce que c'est une honte? Is that a shame? Mais si on a la foi. But if you've got faith. Je suis malade. I'm sick. Mais. But. Mais. But. Le Seigneur. But the Lord. Interviendra. Will heal me. Ils ne veulent pas entendre ces paroles-là. Ils ne peuvent pas. Voyons un petit peu la vraie foi. Let's look at real faith. La foi que Dieu nous donne. Faith that God gives us. Pour accomplir son plan. To accomplish his plan. Dans notre vie. In our life. Et à travers notre vie. And through our life. C'est la raison principale que Dieu nous donne la foi. This is the reason, the main reason why God gives us faith. Si vous regardez dans le livre des Hébreux au chapitre 11, vous allez voir les témoins de la foi. Chapter 11, you see the witnesses of faith. Et tous, Dieu leur a donné la foi pour accomplir sa volonté, God gives son plan. To all of them to accomplish his will. Et ils ont été prêts à perdre leur vie pour accomplir ce plan-là. And they were ready to lose their life to accomplish that plan. Ils avaient la foi jusqu'à donner leur vie pour que le plan de Dieu se réalise. They had faith to the point of giving their lives for the plan of God to be fulfilled. C'est pourquoi la foi que Dieu nous donne, c'est pour accomplir son plan. This is why the faith that God gives us is to accomplish his plan. Qu'à travers ma vie, so that through my life, une partie de son plan s'accomplira. Part of his plan shall be fulfilled. Quand je regarde Noé, when I look at pourquoi, Noah, Dieu donne, pourquoi Dieu a donné la foi à Noé? Why did God give faith to Noah? Il en avait bien besoin. He needed that. Pour construire cette arche. To build that pourquoi arch. Il a construit l'arche? Why did he build that pourquoi arch? Il avait la foi? Why did he have faith? Parce qu'il a vu un plan de Dieu là-dedans. Because he saw a plan of God in building that ark. Il a vu un plan de Dieu là-dedans. Abraham a vu un plan de Dieu. Abraham saw a plan of God. Tous ces témoins de la foi ont vu dans l'esprit. All these witnesses of faith they saw in the spirit. Et ils agissaient par la foi, prêts à donner leur vie. And they acted by faith, ready to give their lives. Pour que le plan de Dieu se réalise. For the plan of God to be fulfilled. Pas pour eux-mêmes. Not for themselves. Parce qu'il y avait un plan. Because there was a plan. Et ils ont perdu la vie. And they lost their life. Ces témoins de la foi. These witnesses of faith. Et aujourd'hui, and today, où est notre foi? Where is our faith? Est-ce que nous avons la foi pour nous emmener à la maturité? Do we have faith to bring us to maturity? Est-ce que nous avons la foi pour pouvoir traverser les difficultés de la vie? Do we have faith to go through hard times of life? Est-ce que nous avons la foi que pendant ces situations difficiles et ces problèmes de la vie, Dieu œuvre dans nos cœurs? Do we have faith that when we are going through these hard times of life, si God is working in our hearts? Si nous sommes prêts à nous humilier et à nous identifier à Christ dans ces moments? If we are ready to humble ourselves and identify ourselves to Christ in those times, à identifier notre vie avec ses souffrances, to identify our life to his sufferings, avec sa mort, with his death, afin de participer à sa vie. So we can partake his life. C'est ça le message de Christ. That is the message of Christ. C'est pourquoi il nous donne la foi. This is why he gives us faith. Afin que nous puissions nous identifier avec lui. So we can identify ourselves with him. Prendre cette croix et le suivre. Take that cross and follow him. Avoir des moments durs et difficiles. To go through hard times. La foi. Faith. Pour traverser ces moments. To, will be there to help us to go la foi pour dépendre sur la grâce de Dieu dans ces moments. Faith to depend on the grace of God during those times. Ça c'est la vraie foi que Dieu nous donne. That is true faith that God gives us. La foi pour prendre notre croix et suivre Jésus. Faith to take our cross and follow Jesus. La foi pour terminer la course. Faith to end the race. La foi pour garder cette foi. Faith to keep the la foi faith. Dans l'espérance d'une vie nouvelle avec Christ. Of a new hope of a new life in Christ. La foi pour attendre le retour de Jésus. Faith to be waiting for the return of Jesus. C'est pas la foi dans l'argent. It's not faith in money. Tout ce que Dieu nous donne, il y a un but spirituel derrière. Everything God gives us has a spiritual reason behind it. La parole it. De Dieu nous enseigne de mettre de côté tout ce qui est matériel et tout ce qui est de ce monde et tout ce qui est d'ici-bas. The Bible teaches us to put oui aside everything that's material, that's from this world, and that belongs to this world. C'est pourquoi quand Dieu nous donne la foi, il nous donne la foi pour les choses de l'esprit, les choses spirituelles qui touchent ma vie. What God gives us faith, he gives us faith for spiritual things that touches our lives. La foi pour persévérer. Faith to persevere to the end. La foi pour pouvoir aimer ma femme comme Christ aime l'Église. Faith to be able to love my wife as Christ loves the church. Elle me dit, il faut la foi. Hein? Let me tell you, we need faith. Eh? Big faith, huge faith. Vous croyez-vous? Roland, tu crois dedans, toi? Roland, do you agree, Roland? Ben oui. For sure. La foi pour vous voir grandir dans l'esprit. Faith to see you grow in the spirit. La foi dans notre cœur pour avoir de la patience pour nos frères et nos sœurs. Faith il faut la in foi. Our hearts to have patience for our brothers and sisters. We need faith for that. Parce que quand vous me voyez faire des bêtises, ayez la foi en Dieu pour ma vie. Because when you see me doing wrong and stupid things, have faith in your heart for my life. Ça, c'est un plan spirituel. That's a spiritual plan. Oui, un plan pour ma vie spirituelle, pour me tenir devant Dieu un jour a et ne pas rétrograder. For my spiritual life that I can stand before God one day and not backslide. Quel plan pour les choses matérielles? Quelle foi pour les choses matérielles? What c'est quoi ces choses-là? What plan for material things? What plan for material things? Avoir en plus pour faire quoi? To have more to do what? Pour donner à Dieu? To give to God? Oui. Okay. Oui. Yeah. I'll say yes to that. Pour toi? For you? Non. No. Sois content de ce que tu as. Be happy with what you have. Et bénis le Seigneur pour and ce que tu as. And bless the Lord for what you have. Et s'il décide de te bénir davantage, rends-lui gloire. And if he wants to give you more, give him glory. Vous vous souvenez un jour, j'ai prêché sur des boîtes. You remember I preached on your box one day? Moi, j'ai une boîte là-haut. I've got a box. Toi aussi, tu as une boîte. You too have a box. Mais ce qu'il y a dans ma boîte n'est pas ce qu'il y a dans ta boîte. What there is in my box is not what there is in your c'est box. C'est pourquoi tu ne peux pas essayer d'avoir ce qu'il y a dans pour moi. You can't try to have what is in my box. Contente-toi de ce que Dieu a mis dans ta boîte pour toi. Be happy for what God put in your box tant for you. Tant que tu vis droitement devant le Seigneur. As long as you walk well and straight before the Lord. Tant que ton cœur est clair et vrai avec Dieu. As long as your heart is clear and true with God. Tant que tu es prêt à prendre la croix et le suivre. As long as you are ready to take your cross and follow him. Au temps voulu. In the right time. Il ouvre la porte de ta boîte et t'envoie quelque chose. He opens il your donne box. Jamais tout un coup. And gives you something. He never gives everything at the same time. Il ouvre sa boîte et il envoie quelque chose qui est pour toi. Pas pour moi, pour toi. Not for me, for you. Moi, j'ai besoin de la foi pour ça, moi. I need faith for that. J'ai besoin de la foi pour mes enfants. J'ai besoin de la foi pour vous. I need faith for j'ai besoin de la foi children. Pour servir Dieu. I need faith for j'ai besoin de la foi pour terminer ma course. I need faith to end my race. Tout ça, ce sont des plans spirituels. All that for spiritual tout plans. Ça, c'est de l'esprit. All that is of the spirit. Rien à voir avec le fric. Nothing to do with l'argent. With dollars or la whatever. Racine de tous les maux. Love of money, the root c'est of pourquoi all il evil. Est temps pour nous de fouiller. Un trou. It requires time for us to dig a hole. On fouille le trou. Let us dig that hole. Oh, le Seigneur est bon. Il y a déjà certains qui ont déjà commencé à fouiller. Some people have started already to dig the hole. D'accord, on est prêt? Are we ready? Mais on n'a pas fini. We haven't finished. On a besoin de parler de certaines autres choses très importantes parce qu'il ne me reste que deux jours avec vous. I still have only 2 days with you and we need to speak of other things. Mais on va essayer d'aller rapidement. And we are going to try to go fast because the feed is d'accord. Going to be off. On va choisir. We're going to choose. Ouvrez votre Bible avec moi dans le livre des rois. Let's turn to the book of Kings. 2 Rois chapitre 16. 2 Kings. Je vais vous parler ce soir de l'influence du monde. I want to speak to you tonight about the influence of the world. Comment l'église a accepté le compromis du monde? How the church has accepted the compromise from the world. Dans le livre des rois, in the book of Kings, au chapitre 16. In chapter 16. Voilà, il y avait le roi Achaz. Vous connaissez son histoire? Achaz. Le roi de Juda, Achaz. A-C-H-A-Z, pour ceux qui ne connaissent pas. Achaz, non? Achaz. Achaz? Je sais pas, ça ne fait rien. On parle français, là. En anglais, Achaz. On parle quoi? On parle le français. Au chapitre, au verset 7. Achaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser. Ça, c'est un joli nom pour votre prochain enfant. So Achaz took the le roi d'Assyrie pour lui dire je Achaz suis ton sent messengers to Tiglath-Pileser. Good name for your next child. Je suis king of Assyria, saying je suis ton serviteur et ton fils. Monte, délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. I am your servant and your son. Come up and deliver me from the hand of the king of Syria and from the hand of the king of Israel who rise up against me. Au verset 10. Verse 10. Le roi Achaz se rendit à Damas au devant du roi d'Assyrie. The king Achaz went to Damascus to meet the king of Assyria. Ayant vu l'autel qui était à Damas. Having seen the altar that was in Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Quel verset? Hein? Je suis perdu là. Le verset 10. And saw an altar that was at Damascus, and King Ahaz said to Urijah the priest the design of the altar and its pattern according to all its workmanship. Le modèle est la copie d'un autel païen. The model and the copy of a pagan Gentile altar. Incroyable. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz. And then the priest Urijah built an altar according to all that King Ahaz had sent from Damascus. Le verset 14. Verse 14. Il envoya de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. He also brought the bronze altar which was before the Lord from the front of the temple, from between the new altar and the house of the Lord, and put it on the north side of the new altar. Maintenant, tu vas faire brûler sur le nouvel autel le sacrifice. And now you're going to burn the sacrifice on the new altar. Incroyable. C'est ça l'esprit du monde. That is the spirit of the world. Comment le roi a pris le modèle d'un autel païen pour venir installer dans la maison de l'Éternel. The king took the model of a pagan altar to come and put it in the house of God. C'est ça que l'Église a fait. This is what the church has done. Influencé. Influenced. Le compromis avec le système du monde. Compromising with the system of this world. Et on emmène cela dans l'Église. And we bring that in the church. On fait pénétrer l'esprit du monde dans l'Église. We bring the spirit of the world in the church. Et il va plus loin que ça. Il dit, pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occupe. And he goes further than that, and he says, what, for what concerns the altar of? C'est le verset 10-15 à la fin complètement. And for what concern the altar, verse 15 à la fin, je vois. Dernier bout du verset 15. And the bronze altar shall be before me to inquire by. Et puis le verset 16, le dernier que je vous lis, le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Achaz avait ordonné. And thus did Uriah the priest according to all that King Ahaz commanded. Comment la responsabilité des serviteurs de Dieu est grande. How the responsibility of servants of God is great. De pouvoir discerner qu'est-ce qui passe par la fenêtre et qui entre ici. To be able to discern what comes through the window and enter this place. Quel vent de doctrine qui pénètre l'église. What wind of doctrine penetrates the church. Quel esprit. What spirit du monde of the world qui pénètre l'église that enters the church. C'est exactement ce que l'ennemi veut faire. This is exactly what the enemy wants to do. Emmener l'esprit du monde dans l'église. To bring the spirit of the world in the church. Danger. Danger. Vous êtes d'accord? C'est exactement ce qu'on voit là. This is what we see here. C'est pourquoi il faut faire bien attention de ne pas laisser pénétrer l'esprit du monde dans l'église. This is why we must be very careful not to allow the spirit of the world to enter the church. Il faut préserver l'esprit de l'évangile. We must preserve the spirit of the gospel. Nous ne sommes pas là pour copier le monde. We are not here to copy the world. On n'a pas envie aucun parfum du monde dans cet endroit. We don't want any perfume of the world in this place. Vous êtes d'accord? On ne veut pas. We don't want. On veut demeurer, préserver l'esprit de l'évangile. We want to dwell and preserve the spirit. On veut que le cœur de Jésus soit toujours au sein de l'église. We want the heart of Jesus to beat in the, que l'esprit de l'évangile puisse être présent au sein de l'église de Jésus-Christ. That the spirit of the gospel might be present in the side of the church. Pourquoi, avant de terminer ce soir, this is why before I close tonight, je voudrais vous parler sur la musique. I'd like to speak to you about music. Vous entendez? Do you hear? En tant que pasteur, ancien de l'Église, pastor and elder of the church, nous avons besoin de savoir we need to know où est la ligne. What is the line? Pour que l'esprit de l'évangile demeure dans l'église. For the spirit of the gospel to dwell in the church. Pour que le cœur de Jésus soit toujours manifesté dans l'église. For the heart of Jesus to be always manifested in the church. C'est malheureux de dire. It's sad to say. L'église en général. That the church in general. A accepté. Has accepted. Le style. The style. Et beaucoup d'autres choses. And many other things. Du monde. From the world. Dans l'église. In the church. Et la musique. And music. fait partie de cela. Is part of it. La musique ne doit jamais être le pôle d'attraction de l'Église. The music should never be what is attracting people to the church. Jamais. Never. Vous êtes d'accord avec moi? Le Sega. Sega. La musique rock. Rock music. Le rythme mondain. Worldly rhythm. Ou autre musique de ce genre. Or any other music of that kind. Est une attaque calculée de Satan pour polluer l'Église de Jésus-Christ. Is a calculated attack on the church from the enemy to pollute the church. C'est pourquoi nous avons besoin de demeurer dans l'esprit. We need to dwell in the spirit. Le diable veut aller jusqu'au bout pour diminuer l'esprit d'adoration dans l'Église de Jésus-Christ. The devil wants to go to the end to diminish and reduce the spirit of worship in the church. Et on se laisse aller, influencé par le style du monde, et on vient ajouter quelques paroles chrétiennes, we add some Christian words, mais dans un autre esprit. But in another spirit. Hein? Dans un autre esprit. In another spirit. Vous savez ce que David Wilkerson a dit? You know what David Wilkerson said? Même si cette musique inspire ceux qui l'écoutent, even if that music inspires those who listen to it, est-ce que ça va plus loin que le plafond? Does it go further than the roof and the ceiling? En d'autres mots, in other words, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive jusqu'à Dieu. There's not much chance that it reaches the throne of God. Ça reste et ça tape jusqu'au plafond là. It reaches the ceiling. Ça ne va pas plus loin. It doesn't go further. Et sans qu'on le sache, and without knowing, Dieu rejette ce genre d'adoration. God rejects that kind of worship. Mélangé. Mixed. Avec l'esprit du monde. With the spirit of the world. Il n'y a aucun parfum. There's no perfume. Qui monte vers l'Éternel. That goes to the Lord. Il y a un parfum qui vient du monde. It has a perfume that comes from the world. C'est pourquoi nous avons besoin de faire bien attention. This is why we need to be very careful. De ne pas traverser la ligne. Not to go beyond the line. Où Dieu accepte notre adoration. Where God accepts and receives our et worship. Et où il refuse notre adoration. And where he refuses our worship. Allez écouter n'importe quoi. Go and listen to whatever you want. La musique influencée par le monde. Music influenced by the world. La musique du style du monde. Music with the style of the world. Influencée par le monde. Influenced by the world. Ou j'irais même dire. I would go as far as saying. Une musique dictée par nos talents. A music dictated by talent. Ne monte pas bien haut. Doesn't go very high. Tous les musiciens de toutes les églises, écoutez bien. All musicians of all churches, listen to me carefully. Nous ne voulons pas le parfum du monde dans l'église. We don't want the fragrance of the world in the church. Nous voulons offrir. We want to offer. Un vrai sacrifice de louange à Dieu. A real sacrifice of praise to God. Dans la simplicité de cœur. In simplicity of heart. C'est pourquoi nous avons besoin l'Église a besoin d'ajuster son tir. This is why the church needs to adjust its aim. Et attention. To aim right. Et attention. But beware. D'écouter n'importe quelle musique chrétienne. To listen to any kind of Christian music. Qui font revivre certaines émotions. That cause some kinds of emotions to be stirred. Oui. Qui nous ramène un petit peu dans le passé. Will bring us back a bit from where we come from. Et notre chair aime ce genre et ce style et ce rythme. And our flesh feeds on that rhythm and that style. Ma question est, my question is, est-ce que c'est un bon parfum? Is that a good fragrance? La musique est devenue, music has become, la fondation de beaucoup d'églises. Foundation for many churches today. Et si vous retirez la musique, and if you remove music from these churches, il n'y a pas grand-chose qui reste. There's not much left. La musique va attirer les chrétiens. It's there to attract Christians. Parce que c'est bon. Because they feel good. Mm-hmm. Oui. Et on se sert de la musique pour garder les chrétiens. To keep Christians. Le chrétien a besoin d'avoir une soif de Jésus. Christian needs to have to be thirsty for Jesus. Et que sa vie chrétienne ne dépend pas de la musique. And that his Christian life doesn't depend on music. Bien que la musique doit être présente. Even the music has its place. Mais dans le bon esprit. But in the right spirit. D'accord? Oh, ça fait plaisir à tout le monde? Plaisir à tout le monde? Does it suit you all? Ouh, là je ne sais plus ce que je vais faire parce qu'il y a pas mal de choses. Mais on... Amen. Ouh. We can't do that to the people of LMTV. They're watching us, and we can't just. Who's watching us? LMTV everywhere. We can't do that. Impossible. Pression, pression, pression, pression. Ok, donc on va arrêter la production de TV. Parce que c'est obligatoire. C'est eux qui arrêtent, c'est pas nous. Mais nous, on peut continuer quand même. Un dernier petit truc. Un dernier petit truc, parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que demain et après-demain, j'ai besoin du temps. Et je veux finir ce que je veux. Parler, communiquer et transmettre. Je vais toucher un point parce que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance dans l'Église. I'm going to touch a subject that's getting some importance in the church. Et que nous avons besoin vraiment de rester bien vigilants. And that we need to be very aware of. C'est le divorce dans l'Église. It's divorce in the church. Moi, je crois que quand Dieu a un plan, I believe that when God has a plan, il a la solution pour tout. Is there a solution for everything? Quand est-ce que l'Église a commencé à accepter le divorce dans l'Église? When has the church started to accept divorce? Depuis quand? Since when? Je dirais à peu près une trentaine d'années. I would say some 30 years. À peu près. Approximately. Aux environs. Est-ce que la parole de Dieu change? Does the word of God change? Selon le siècle que nous vivons. According to the century we're living in? Mais encore une fois, once again, nous avons ouvert la porte. We have opened the door. L'Église a ouvert la porte. Church has opened the door. À une influence du monde. To an influence from the world. C'est dommage, c'est très triste. It's very sad. Mais c'est la réalité. But it's reality. Vous savez, le divorce dans l'Église grandit. Divorce in the church grows. Mais c'est une opportunité. But it's an opportunity. Qui enlève à l'homme. That removes from man. Le désir de prendre sa croix et le suivre. The desire to take his cross and follow Jesus. C'est une porte de sortie. It's a way out. Parce qu'il ne veut pas perdre sa vie. Because he doesn't want to lose his life. Parce qu'il n'est pas prêt à prendre sa croix et suivre Jésus. Because he's not ready to take his cross and follow Jesus. Et mourir à ses désirs. And to die to his desires. C'est pourquoi c'est une opportunité. This is why it's an opportunity. Le divorce est une opportunité. Divorce is an opportunity. qui empêche l'homme that stops man de donner sa vie to give his life. Et que Dieu puisse unir mari et femme ensemble and jusqu'au dernier jour. May be able to unite man and woman for his purpose and plan. Le divorce n'est pas la solution. I'm happy. Si le Seigneur est avec nous. Donc, moi je te pose la question. I'm asking the question. Pourquoi pas le Dieu de la troisième chance? And why not the God of the third chance? S'il y a eu deux, pourquoi il n'y aura pas trois? If there's been two chances, why not three? Quelle est la différence finalement? What's the difference finally? Vous savez, mes frères et sœurs, you know, brothers and sisters, nous sommes appelés we are called à suivre des modèles selon l'évangile de Christ. Models according to the gospel of Christ. Paul dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Paul says, follow me as I follow Christ. Nous ne sommes pas là pour condamner personne, we are not here to condemn anyone, ni pointer le doigt sur personne. Or point the finger to anyone. Mais si vous avez une pensée but if you are thinking de vous séparer de votre femme ou de votre mari, of being separated from your husband or your wife, non. No. Il y a une sortie. There is a way out. Il y a une solution. There is a solution. Ce n'est pas la peine de se lancer dans un plan qui est contre la volonté de Dieu. It's no need to enter a plan that's against the will of God. J'ai dit tout à l'heure as que quand Dieu a un plan, God has a plan, il a la solution pour ce plan. He has a solution for that plan. Malgré tout, despite everything, il a un plan. He has a plan. Si seulement l'homme et la femme if only man and woman veulent se soumettre want to submit au plan de Dieu, to the plan of God, prendre leur croix, take their cross, perdre leur vie, lose their life, l'un pour l'autre, one for the other, Dieu est capable de faire God des miracles. Is able to do great miracles. C'est trop facile de it's prendre le chemin de sortie to take a way out et de pointer le doigt sur un ou l'autre. And to point the finger on your partner. Nous avons appris il y a quelques jours we heard, some days ago, que quand on pointe le doigt sur quelqu'un, that when we point finger on someone, ou quand on voit la paille dans l'œil de quelqu'un, when we see the speck in the eye of someone, il y a une poutre dans la nôtre. There's a log in our eye. C'est pourquoi quand on essaye de mettre le tort sur quelqu'un d'autre, on ne voit pas notre tort à nous. When we try to put the blame on somebody else, we don't see our own blame, our own fault. C'est pourquoi la solution. This is where the solution. C'est la croix de Jésus. Is the cross of Jesus. Comme Marie aime sa femme. Would love her husband, comme Christ his wife, a aimé l'Église. As Christ would love the church. S'est livré pour elle. And give it himself for the church. Je ne cesserai de parler de cette responsabilité. I will never stop speaking about that responsibility. Ce que j'appelle le ministère du mari which I call the ministry of the husband envers sa femme. Towards his wife. On ne réalise pas le dégât qu'il y a dans le corps de Christ. The destruction that is in the body of Christ. J'ai prêché l'évangile pendant 10 ans. I preached the gospel for 10 years. Avec quand le message de la croix de Jésus-Christ vient it's dans votre cœur, only when the message of the cross of Jesus Christ comes que vous to commencez your heart, à comprendre votre responsabilité devant votre femme. That you start understanding your responsibility to your wife. C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ m'a sauvé. This is why the message of the cross of Jesus Christ has saved me. A sauvé notre mariage. Has saved our marriage. C'est pourquoi je dis si vous avez une pensée. This is what I'm saying. If you even have a thought, has crossed your mind. Vous êtes arrivé au bout de votre rouleau. You have come to the end of yourself. Vous n'avez qu'une pensée en tête, c'est de le mettre de côté ou de la mettre de côté. You've got only one thought in your mind, is to put her aside or put him aside. Toutes les pensées du diable viennent. All the thoughts of the devil are harassing you. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. I said something earlier on. Vous vous souvenez? I mean, you said many things. Nous sommes appelés à suivre les modèles de l'évangile de Christ. We are called to follow the model of the gospel. Ne prenez pas comme exemple. Don't take as an example. Ceux qui ont bafoué le mariage. Those who have baffled the wedding, the marriage. Et ne vous cachez pas derrière eux pour faire de même. And don't hide behind them to do the same thing. Il y a un plan. There's a plan. Il y a une solution. There's a solution. Le message de la croix de Jésus-Christ. The message of the cross of Jesus. Il y a une solution. There's a solution. Rien n'est perdu. Nothing is lost. Si seulement on est prêt de nous It's humilier. Not too late if we are ready to humble ourselves. Prendre cette croix. To take that cross. Mourir à nous-mêmes. And die to ourselves. Et laisser Dieu faire le miracle. And let God do the miracle. Amen ou non? Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Do you agree with Moi, je vous dis. Let me say to le divorce. Divorce. C'est un feu étranger. It's a profane fire. Dans la maison de Dieu. In the house of God. Un feu étranger. A profane fire. Et cela. And this. Diminue. Reduces la puissance du message de la croix de Jésus. The power of the message of the cross of Jesus. Oui. Parce que ce message, Because that message est puissant is powerful pour restaurer tout. To restore everything. C'est pourquoi le divorce, This is why divorce vient bafouer ce message. Comes and baffles that message. Tramples that message. Oui. Ce divorce vient dire Divorce comes and say, le message de Christ n'est pas suffisamment fort et puissant pour ma vie. The message of the cross is not powerful enough for my life. Ça diminue. It reduces le trésor de l'évangile. The treasure of the gospel. La puissance de la croix de Jésus-Christ dans notre vie. The power of the cross of Jesus Christ in our life. C'est pourquoi je vous redis encore. This is what I'm saying to you again. Si vous avez une idée derrière la tête de le quitter ou de la quitter. If you have an idea behind your mind to leave him or her. Tenez ferme. Stand firm. La solution va venir. The solution is on its way. Ne lâchez pas. Don't give up. Don't let go. Ne lâchez pas. Don't let go. La solution vient. Solution is on its way. Vaut mieux faire le plan de Dieu. Better to do the plan of God. Que de suivre des idoles. Than follow idols. Vaut mieux faire le plan de Dieu. It's better to do God's plan. Mais je ne peux pas ne pas terminer I cannot not close en vous disant without telling you que même si vous avez fait fausse route, even if you missed it, il y a une solution. There is a solution. C'est la repentance. It's repentance. Tant qu'il n'y aura pas de repentance, as long as there won't be any repentance, il y a disqualification. Mais quand il y a la repentance, But when there is repentance, réelle, a true repentance, Dieu est capable God is able de nous relever. To lift us up again. C'est ça la beauté de la chrétienté. This is the beauty of Christianity. C'est ça la beauté d'un message. This is the beauty of the message. Où Dieu ne nous abandonne jamais. God never forsakes us. Mais il est prêt. He is ready à ressentir notre cœur. To feel our hearts. Et le message de la croix de Jésus-Christ And the message of the cross of Jesus Christ est le seul is the only message qui nous fait ressentir le cœur de Jésus. That causes us to feel the heart of Jesus. Son plan pour notre vie. His plan for our lives. Oui ou non? Oh, que le Seigneur soit loué. May the Lord be blessed. Ah, que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Il y a tant d'autres choses que je peux vous partager. There are so many things I'd like to share with you. Mais bon, on aura l'occasion. We will have the opportunity to do so. On aura l'occasion. We will have the opportunity to do so. Mais c'est long, je sais. And it's been long. C'était pas prévu comme ça. I didn't plan that. Mais je vous remercie d'avoir été patient. I thank you for having been patient. D'avoir écouté. To have listened. Et je sais que l'évangile. And I know that the gospel touche les cœurs. Has touched your heart. Quoi je vais vous demander ce soir? This is what I'm going to ask you tonight. De vous lever. To stand. On va remercier Jésus. We're going to thank the Lord. And we thank all those who listened to us on LMTV all that time. We are thankful and we bless them. Thank you for having been with us. Thank you for having found us. And Merci thank à you tous for ceux LMTV. Qui nous écoutent sur LMTV. Oui. Pour tout ce temps. Mais le Seigneur, il bâtit son Église. And thank you for them extending the Et nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Yeah. Alléluia. Yes, Lord. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. Qui c'est qui croit toujours dans le message de la prospérité? Who still believes in the message of prosperity? Qui c'est qui croit toujours là-dedans? Who still believes in that message? Hein? On l'enterre? Are we burying it, Stephen? On l'enterre? Couvre? It's done. If Stephen says it's done. Done. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous libérer, mes frères et sœurs. The Lord is here to set us free. Il est là pour nous libérer ce soir. He's here to set us free. Il y a beaucoup de frères et sœurs. There are many brothers and sisters. Qui ont cru dans ce message. Who have believed in that message. Comme nous avons lu tout à l'heure. As we read earlier on. Nous avons cru. We have believed. Nous avons donné. We have given. Nous avons été pillés. We've been robbed. Nous avons été volés. We have been stripped. Nous avons été trompés. We have been deceived. Et aujourd'hui, and today, peut-être que vous êtes découragé. Maybe you're discouraged. Découragé. Discouraged. Mais dans votre cœur, but in your heart, la parole de Dieu a créé, the word of God has created, une nouvelle foi, a new faith, une nouvelle espérance pour vous, a new hope for you. Que c'est une expérience du passé maintenant. That is now, it's a past experience. Ça a eu lieu. It has happened. On ne peut pas changer le passé. Can't change the past. On peut changer le futur. But we can change the future. On peut prendre une nouvelle direction. We can take a new direction. Et on veut mettre notre foi sur les choses spirituelles. And we want to put our faith on spiritual things. Et ne plus jamais. And never again. Lier les instructions de Jésus. Link the instructions of Jesus avec l'argent. With money. C'est pourquoi ce soir. This is why tonight. Nous emmenons la mort. Hmm? Nous emmenons la mort. We bring death. À cette hérésie. To that heresy. Et nous prenons un départ nouveau. And we take a new start. Où tout est derrière nous. Where everything is behind us. Et nous allons servir le Seigneur. We will serve the Lord. Sans que l'argent ne soit un obstacle pour nous. Without money being an obstacle for you or us. Amen. Or an issue. On va prier le Seigneur. Let's pray. Vous savez, la parole de Dieu, the word of God, elle est puissante pour libérer les gens là où ils sont. It's powerful to set people free where they are. La parole de Dieu est puissante pour enlever les fardeaux dans la vie des gens là où vous êtes. In the life of people, wherever you are. Souvent, on croit qu'on a besoin de prier pour les gens. Often we think we need to pray for people. C'est vrai, quand it's le Seigneur true. Nous conduit pour prier, on prie. The Lord can lead us to pray for people. Mais ce soir, but tonight, là où vous êtes, wherever you are, tout fardeau peut être enlevé. All burdens can be removed. Cette mauvaise expérience d'avoir été trompé. That bad experience of having been deceived. Je vous demande une première chose. I ask you one first thing. Pardonnez. Forgive. Ne gardez pas toutes ces expériences contre quelqu'un. Don't give all those things against anybody. Relâchez. Release. Qu'importe ce qui vous est arrivé. Whatever has happened to you. Votre compte bancaire peut-être a été vidé. Maybe your bank account has been emptied. Vous êtes blessé par les paroles qui vous ont été dites concernant l'argent. You've been hurt by words that have been told to you about money. Vous avez été contrôlé comme en tant qu'un chrétien. You've been controlled as a Christian. Concernant vos finances, votre concerning argent. Concerning your finances. Ce soir. Tonight. Que le Seigneur vous libère de tout ça. May the Lord set you free from all that. Que ce soit une expérience qui soit désormais derrière vous. That experience might be behind you. Et dans votre cœur. In your heart. Relâchez. Release. N'en voulez à personne. Don't bear any grudge against n'en anyone. N'en voulez à personne. Don't have anything against anyone. Amen. N'en voulez à personne. Don't have any bitterness against donc anyone. Donc donnez. Et il vous sera donné. So give, it shall be given to you. Comprenez? Aimez. Love. Relâchez. Release. Pardonnez. Forgive. et le Seigneur vous libérera. And the Lord will set you free. Seigneur, nous te remercions ce soir pour ta parole. Lord, we thank you tonight for your word. Elle est la vérité. It's the truth. Ce soir, tu as le pouvoir you have the power tonight de briser les liens, to break bondages, de renverser les forteresses, to overthrow strongholds. Ta parole est puissante. Your word is powerful pour libérer nos frères et nos sœurs, to set our brothers and sisters free, pour les détacher de ces pièges du diable, to set them free from these traps of the enemy. Seigneur, je prie que tu renverses les raisonnements, I pray that you will overthrow reasonings, les forteresses qu'il peut y avoir, strongholds that can be there, les fardeaux qu'ils peuvent transporter, burdens that they can carry. Seigneur, je prie pour un miracle dans le cœur de beaucoup for ce a miracle soir in the hearts of many tonight. Que tu libères mes frères et mes sœurs de ce fardeau, that you set my brothers and sisters free from that burden. Et que leur cœur soit libéré, and that their hearts will be free. Et que leur cœur soit clair, and that their hearts will be clear. Que leur cœur soit vrai, and their hearts will be true. Qu'ils ne gardent rien contre personne, that they will keep nothing against anyone. Mais ce soir, ils décident, but tonight they decide, de tout relâcher, to release everything, et de te faire confiance, and to trust you. Que tu restaureras leur vie, that you will restore their lives, que tu les guériras, that you will heal them. Qu'il ne restera pas, Seigneur, une trace de ce qu'ils ont vécu dans le passé. There will be no trace of what they lived in the past. Mais que ce soir, tu feras des miracles. You will do miracles tonight. Et tu vas panser des blessures. And you will heal hurts. Nous te louons ce soir, we Seigneur. Praise you, Lord. Car tu es un Dieu de miracles. For you are a God of miracles. Ce soir, tu touches les vies. You touch lives. Tu libères ton peuple sous le joug de l'homme. From the yoke of man. Tu libères ton peuple. You set your people free. De sous les enseignements, Seigneur, qui ne sont pas vrais. Of teachings that were not true. Tu plantes dans leur cœur. You plant in their hearts. La vérité de l'évangile. The truth of the gospel. Que la saine doctrine, Seigneur. The pure doctrine, the sound doctrine. Déposée dans leur cœur. Might be deposited in their hearts. Et que désormais, and that as ils vivront, on, Seigneur. They dans la liberté. And they will live in freedom. Nous te louons ce soir, we Seigneur, pour tous les miracles que tu fais dans les cœurs ce soir, pour la libération que tu emmènes dans les vies, God. Seigneur. Tu es un grand Dieu. You are great God. Tu es un grand Dieu, you are Seigneur. Great God. Nous croyons dans la libération des chrétiens. We pray the free, de sous the le joug de l'homme, de sous le pouvoir et les ruses power, de l'ennemi. Et ce soir, enemy. Seigneur, and tonight, Lord, nous enterrons cette doctrine de la we prospérité. Bury that doctrine of prosperity. Et nous déclarons and we declare que notre dépendance our dependence vient de toi. Is on you. Tu es notre secours, you are our help, tu es notre refuge, you are our source, tu es notre provision, you are our tu refuge, connais tout, you know all tu connais things, notre vie, you know our life, tu connais ce qu'il y a devant, you know what's behind et nous te demandons, us, Seigneur, and we ask you, des Lord, miracles sur miracles, miracles on miracles dans chacune de nos vies. In our lives. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom we de pray Jésus. The name of Jesus. Nous donnons gloire au Seigneur. Praise God.